Chapitre 43e. Le marquis ne rentra au château qu'après que la cloche eut sonné le déjeuner. Valérie ne put donc pas l'entretenir comme il en avait l'intention, car en descendant de cheval, le marquis se dirigea vers la salle à manger. Selon la règle établie, Madame Mérot, M. de Carquebu et Denise étaient à table, n'ayant point attendu le maître de la maison. Clémence seule manquait. Comme le marquis regardait sa place vide, Madame Mérot répondant à cette muette interrogation, dit que l'institutrice était souffrante. « Malade ?» demanda vivement le marquis en se tournant vers Denise. « Je ne crois pas, » répliqua celle-ci. « Cependant, elle paraît mal à son aise. Je l'ai priée de descendre, mais elle m'a répondu qu'elle ne se sentait pas assez bien pour rester à table. J'ai voulu alors ne pas la quitter, elle a préféré être seule. » Pendant que ces paroles s'échangeaient, Monsieur de Carquebu se tenait à demi renversé sur sa chaise, les yeux au plafond, souriant à une poutre. Il ne paraissait nullement inquiet de cette indisposition, et son sourire semblait dire « Ce ne sera rien, je sais ce qu'elle a ». Ordinairement, le marquis déjeunait solidement. Il toucha à peine à ce qu'on lui servit. Les yeux baissés sur son assiette, il semblait plongé dans ses sombres préoccupations qui maintenant lui étaient habituelles. « Est-ce que vous êtes souffrant aussi ?» demanda Monsieur de Carquebu. « Voilà une curieuse coïncidence. L'air devient donc malsain, rudement. Vous ne sortez pas assez, mon cousin. Vous n'auriez pas dû renoncer à ces voyages à Paris. Il vous faisait du bien, il vous secouait. Justement, je pense à partir. Voilà une bonne idée. » Et M. de Carquebu se mit à expliquer, en clignant de l'œil du côté du marquis, l'heureuse influence que les voyages pouvaient exercer sur une nature trop forte. Il avait sur ce sujet des préceptes excellents, qu'il appuyait par des exemples qu'il trouvait étonnants. Malheureusement, ces exemples, il ne pouvait pas les raconter jusqu'au bout, arrêté qu'il était dans ce récit par un manque de mémoire tout à fait fâcheux. Ainsi, il commençait toujours de cette façon. « Je vais vous dire une chose très drôle. C'était avec... Vous savez, j'ai oublié son nom, mais ça ne fait rien. Alors il nous dit... Qu'est-ce donc qu'il nous dit ? Voilà que je ne m'en souviens plus, mais ça ne fait rien. Vous pouvez m'en croire sur parole. C'était étonnant, j'en ris encore. » Et de fait, il partait d'un éclat de rire à secouer les vitres. Des histoires de ce genre n'étaient pas faites pour tirer le marquis de sa méditation. Il sortit de table avant la fin du déjeuner et passa aussitôt dans son appartement. Ce fut alors que Valérie put entamer ses confidences. Il les fit longues et circonstanciées, en insistant surtout sur la précaution qu'il avait prise de ne promettre le secret que sous condition. « J'ai cru, dit-il en terminant, que les circonstances m'obligeaient à ne pas garder ce secret pour moi seul. » Il s'attendait à une approbation, mais le marquis ne répliqua rien. « Et maintenant ?» demanda le valet de chambre, humilié dans son amour-propre de diplomate. « Que dois-je faire ?»« Il me semble que vous n'avez pas à me le demander. Cependant, vous avez promis à Madame Clémence de lui trouver une voiture. Je ne savais pas à ce moment l'usage qu'elle voulait en faire. Vous le savez maintenant ?»« Il me semble que quand on a pris un engagement, on le tient. » Valérie fut abasourdie. « Comment ? C'était là tout son remerciement ? Que se passait-il ? Il était donc décidément bien rouillé, le marquis, qu'il ne comprenait pas la situation. Il laissait partir l'institutrice. Qu'est-ce que tout cela voulait dire ? Après tout, la chose ne valait pas la peine qu'il se creusait la tête pour trouver ce qu'il ne comprenait pas. Il avait fait son devoir. Tant pis pour le marquis, mais c'est égal. Véritablement, il baissait bien, ce pauvre marquis. En réalité, le marquis était à plaindre, mais ce n'était point comme son valet de chambre le comprenait. Les illusions n'étaient plus possibles. Il aimait Clémence et il l'aimait passionnément. Autrefois, quand il s'était senti épris d'un sentiment tendre pour une femme, il ne s'en était jamais tourmenté ou désolé. Bien au contraire, c'était une distraction qui survenait dans sa vie. C'était une journée de printemps qui s'annonçait toute pleine de promesses. Mais il n'était plus maintenant à ce temps heureux. La passion, au lieu de l'attirer, le repoussait. Il n'était plus jeune et il n'était plus libre. Le sentiment qu'il éprouvait pour cette jeune femme, que le hasard, et non un choix raisonné, avait introduite dans sa maison, n'était point un caprice éphémère, qu'une possession de quelques jours lassait bien vite. C'était un amour véritable, une passion profonde. Il avait fait une expérience de la vie assez complète pour savoir qu'à son âge, un amour de ce genre devient rapidement envahissant, au point qu'on est, malgré les efforts de la raison, entraîné à lui tout sacrifier. Or, ce ne serait pas lui seulement qui l'aurait à sacrifier à cette passion, ce serait... Ce qui était autrement grave, ce serait sa fille. Seul, il eût peut-être cédé, car à ce sacrifice, il y avait des compensations. Et Clémence, telle qu'il la voyait, en promettait de fort agréables. Mais il n'était plus seul. Il avait sa fille, dont la vie désormais était liée à la sienne. Que deviendrait-elle, la chère enfant, dans la bourrasque à laquelle il s'abandonnerait? Car il n'était pas assez jeune pour s'imaginer qu'une passion de ce genre lui ferait paisiblement descendre un fleuve aux cours tranquilles et aux rives fleuries. Clémence n'était pas libre. Son mari était un aventurier capable de tout. Quelle lutte, quelle catastrophe ne résulterait-il pas de cette liaison? S'il avait eu la faiblesse, alors que le capitaine la rappelait près de lui, de la retenir un rudement, maintenant il ne devait pas commettre la faute de ne pas la laisser partir. L'occasion qui se présentait était unique. C'était un dernier moyen d'échapper que le sort lui offrait. S'il ne le saisissait point, il tombait aux mains de cette femme, et probablement pour jamais. Il fallait donc qu'elle partît. Qu'avait-elle de si irrésistiblement séduisant d'ailleurs pour qu'il dût tenter de la retenir? Charmante, cela était incontestable, mais enfin, d'autres l'étaient comme elle, plus qu'elle peut-être, et celle-là n'avait pas pour mari un capitaine Beaujonnier, celle-là n'était pas les institutrices de Denise. Si son cœur n'était pas mort à la passion comme il l'aurait voulu, c'était à celle-là qu'il devait s'adresser et non à Clémence. Mais celle-là, il ne les aimait pas, tandis que Clémence, il l'adorait. Non, il n'était pas vrai que d'autres fussent charmantes comme elle, non. Il n'était pas vrai que d'autres puissent prendre sur son cœur une influence comparable à celle que Clémence exerçait. Clémence, Clémence seule, toujours Clémence. En une seconde, celle pendant laquelle il avait tenu sur sa poitrine, il avait plus vécu que pendant les 10 années qui venaient de s'écouler. C'était une vie nouvelle qu'elle lui donnerait, un regain de jeunesse. Il ne fallait pas qu'elle partît. Ainsi s'écoula pour lui la journée. Et ce fut avec une véritable angoisse qu'il entra dans la salle à manger. Qu'allait dire son cœur lorsqu'elle paraîtrait? L'épreuve allait être décisive. S'il restait calme, il la laisserait partir. Si au contraire, ce cœur le poussait vers elle, il la retiendrait. Mais il n'eut point à faire cette expérience. Clémence ne parut pas plus au dîner qu'elle n'avait paru au déjeuner, et Denise raconta qu'elle était toujours souffrante. « De quoi se plaint-elle ? » demanda le marquis. Elle ne se plaint pas de telle ou telle chose particulière, mais plutôt d'un ensemble. En tout cas, elle paraît bien triste. Triste, la pauvre petite femme. La résolution du marquis s'amollit. S'il montait près d'elle, s'il lui disait qu'il l'aimait, qu'il l'adorait. Cependant, il résista à cette tentation, et il eut le courage de s'aller enfermer dans sa bibliothèque. La vue de Denise lui avait rendu la conscience de son devoir, et dans les yeux de sa fille, il avait pris la force d'être père. Par malheur, cette force était bien chancelante, et la soirée fut encore plus pénible pour lui qu'elle ne l'avait été la journée. Plus le moment approchait, plus il sentait cruellement combien profondément il était atteint. Céderait-il? Résisterait-il? 10 heures sonnèrent. Il n'avait pas pris parti, il se fixa jusqu'à la demie. Quand elle frappa lentement, ses 2 petits coups lui retentirent douloureusement dans le cœur. Il se leva alors, sa résolution était arrêtée, elle partirait. Et vivement, il se mit à marcher au milieu de sa bibliothèque sombre, tout surpris de sentir en lui une sorte d'apaisement. C'était fini, elle partait. Il eût voulu qu'elle fût déjà loin. Il n'était pas un enfant, il se consolerait, il l'oublierait. Les 3/4 sonnèrent. Il voulut l'entendre passer, non pour l'entendre, mais pour être bien certain qu'elle était partie. Et il alla s'asseoir dans le parloir qu'elle devait longer pour sortir. Si léger que fût son pas, il l'entendrait se glisser sur les dalles sonores du vestibule. Il avait à peine quelques minutes qu'il était à son poste lorsqu'il entendit un bruissement, puis presque aussitôt la porte du parloir s'ouvrit. C'était elle, en costume de voyage. Comme elle se trouvait entre la fenêtre et lui, elle se détachait nettement sur le fond pâle du ciel. Doucement, elle s'approcha de la porte de la bibliothèque. Alors, posant sa main gauche sur son cœur et sa main droite sur ses lèvres, elle envoya un baiser à cette porte en soupirant. D'un seul bond, il fut près d'elle et la saisissant, il l'emporta dans son appartement. Elle ne pesait pas plus dans ses bras vigoureux qu'un enfant.